Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon. Patreon.com/papacassette. Bon matin les copains et les copinettes. Bienvenue à l'épisode 61 de chez Papa Cassette. On est maintenant mardi. Mardi matin à 8h du matin. Le 22 décembre, et puis ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. J'ai été pas mal busy, et puis j'ai encore un contrat de graphisme à faire. Faut que je le fasse le matin avant d'aller travailler. Fait qu'il faut que je travaille avant d'aller travailler. Et puis c'est pour ça que je manque de temps, parce que j'enregistre tout le temps mes podcasts le matin, parce que rendu le soir à 8-9h, oublie ça, je suis dead là, tu sais. Puis on est plus là, cocooning avec les enfants. Fait que c'est ça, j'ai moins 8 ans. Puis on était très occupé chez Retro MTL. Et puis je vais parler de ça dans quelques instants. Mais avant, je voulais juste saluer Olivier, qui est. J'en ai parlé dans mon dernier épisode, quand il y a des gens qui passent au magasin, puis qu'on jase. Et puis quand je vois qu'il y a des gens qui écoutent mes épisodes, ça me rend très heureux. Et puis Olivier, il était passé avec sa conjointe. Au magasin, suite à avoir écouté mes épisodes de ma collection de DS, et puis il était venu voir pour acheter des jeux de DS avec sa conjointe, on a jasé et tout, et puis c'était très plaisant de parler. Et sa conjointe se remettait du cancer, donc elle avait fait tous les traitements de chimio, et puis elle attendait un appel de, comme je pense qu'on était quelque chose comme jeudi, puis lundi elle allait avoir un appel pour savoir s'il restait des traces de cancer. Et puis Olivier a commenté sur la publication de sur YouTube, sur mon dernier épisode, et puis il a mentionné que les résultats des scans sont arrivés, il n'y a plus de traces de cancer. Alors c'est merveilleux. Et puis Olivier, ta conjointe, je pense, j'ai pas son nom, désolé. Était comme super rayonnante, super de bonne humeur, tu sais, comme autant quelqu'un qui a fait la guerre, dans le sens qui est allé à la guerre, tu sais, qui a combattu le cancer, tu sais, était joyeuse, sereine, souriante, comme waouh, tu sais, ça c'était un bel exemple de force là, vraiment. Fait que je suis très heureux pour vous. Tu lui diras bravo de ma part, et puis vous allez passer un beau Noël, ça c'est plaisant. Donc, je suis vraiment content pour vous. Et puis, félicitations. Et puis, merci d'écouter mes épisodes. C'est très apprécié. Vous pourrez jouer au DS en toute quiétude. Donc, oui, on a été très occupés chez Retro MTL. Vous avez peut-être vu des images sur notre page Facebook. Je vais parler de Retro MTL puis de la job là aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est pas mal. Pas mal ça, là. J'ai été bien occupé. Je vais me prendre une petite note ici. Bien occupé avec ça. On a déménagé des choses. Donc, je vous avais parlé qu'on avait loué un deuxième espace de 2350 pieds carrés à peu près, à deux rues de notre présent magasin, deux rues vers l'est, donc vraiment proche de Pinneuf. Et puis, Poutine Centrale, là, pour les gloutons qui écoutent, les maîtres poutiniers. Donc, c'est pas loin de là. Et puis, c'est le deuxième étage d'un magasin d'items religieux. Alors, Dieu est dans la place. On va être tranquille. Et puis, c'est ça. Donc, on avait ça. C'est bien beau de louer ça, mais il faut le meubler, tu sais. Puis là, on commençait à checker Kijiji, les petites annonces, puis tout. Puis c'est quand même un peu décourageant quand t'as besoin de beaucoup de meubles. De checker 1000 annonces, hein, une table là, une affaire là, gna gna gna. Fait que il y a un contact de notre employé Olivier qui lui a envoyé une annonce, et puis c'était l'Université de Montréal vidait un pavillon, déménageait un pavillon, je sais pas quoi. Alors il y avait des tonnes de meubles à liquider là, finalement. Donc on est allé voir ça, on est allé visiter. On y allait une première fois, on regardait tout ce qu'il y avait, on mettait notre nom sur ce qu'on voulait, et puis après ça, on revenait avec le cash, le truck, et puis on embarquait tout ça. Donc on était moi, Joe et Fred, et puis on avait droit à 10 items chaque. Vu qu'on en prenait beaucoup, le gars nous en a laissé un peu plus. Et puis c'est ça, c'était tout dans le fond du stock d'école, là, plein de... des petits bureaux, des plus gros bureaux solides, des gros classeurs, des bibliothèques en métal, plein, plein, plein. Une power bar. Tu sais, les longues power bar en métal, là, très, très longues, genre 1,5 mètre de long. Très utile, ça. Des chaises, bien sûr, des tabourets, des tables pour qu'on va utiliser pour nettoyer les jeux. Même des poubelles. drôle d'histoire aussi, à travers tout le tumulte des affaires qu'il y avait là-bas. Il y avait des poubelles, des genres de poubelles rectangulaires, là, de bureaux, là, faites sur le long. Et puis, c'est quand même... On a besoin de beaucoup de poubelles, nous autres, parce que partout où on nettoie des jeux, tu sais, on passe notre temps à enlever des autocollants, puis à utiliser des Q-tips, des Scott Towers, des affaires. Fait que, puis, tu sais, bon, on a besoin de poubelles comme tout le monde aussi. Fait qu'on a beaucoup de bureaux, beaucoup de poubelles, beaucoup de postes de travail où est-ce qu'il faut jeter des choses. Donc, j'ai acheté 10 poubelles. Elles étaient à 5$ chacune. Et puis, en checkant un peu partout là-bas, on a vu... sur le dessus d'un bureau, un Star Ocean au PlayStation 1. Ça, c'est un boîtier double, c'est un RPG, quand même assez en demande. Ça vaut, je me rappelle plus combien, ça. Celui-là, il n'y avait pas les livrets. Fait que, mais il y avait le boîtier qui était en bon état, les disques étaient un peu graffinés. Fait que je demande au gars, « Hey, combien tu vends ça? » Il dit, « Ah, cadeau, prends-les. » Je suis comme, « All right, tu me charges, tu sais, 20$. » 30$ pour des meubles de merde, ben il y en a des bons, là, on s'entend. Mais tu sais, comme la seule affaire qui vaut 60$, tu me la donnes, genre je trouvais ça très drôle. Fait qu'on a ramené ça au magasin, on l'a nettoyé, on a resurfacé les disques, on a testé, ça fonctionne et on l'a vendu 2 jours plus tard pour 60$. Alors, les poubelles sont payées, mesdames et messieurs, et voilà. Puis on a fait 10$, on va pouvoir mettre du bacon sur notre pizza. Ah, j'entame mon café de ce matin. Hein. J'ai besoin de café aujourd'hui. Je me lève tôt. Ah. Donc, ouais. Alors, c'était une très, très bonne récolte de meubles. On en a pris beaucoup, vraiment. Là. Puis après ça, on est allé louer un 20 pieds. J'ai loué un 20 pieds sur Légaré, sur Hochelaga. C'est tellement pratique d'avoir une entreprise de location de camions, puis de trucks, puis de trailers, puis tout ça, juste à côté de la shop. Chaque fois qu'on a besoin de quelque chose comme hit and run, loue un truck, va chercher le truc, tu sais, c'est super pratique. J'adore ce Légaré, location Légaré là, très utile. Donc j'ai loué un 20 pieds et puis on est allé une semaine plus tard chercher tout ça. Et puis c'était bien tranquille le matin, on a rentré ça. Ça allait bien pour le rentrer les meubles parce que c'était d'un rez-de-chaussée dans le camion dans le fond. Alors il n'y avait pas de marche, puis eux là-bas il y avait des genres de petits buggés à 4 roues. Que tu fais juste comme rouler là-dessus, puis c'est sur le terrazzo, hein, les écoles. Donc, ça roulait très bien. Donc, on a rempli le truck, ça n'a pas été une traînerie. Par contre, quand c'était le temps de déloader le truck, il a fallu se mettre dans la ruelle. Et puis, parce qu'en avant, bien sûr, ce Hochelaga, il n'y avait aucune place à stationner. Et puis, cette journée-là, il y avait un bloc, comme dans notre ruelle, que le toit était après se refaire faire. Fait que là, tous les jobbeux avaient parqué leur char partout dans la ruelle, alors j'avais pas de place. Il a fallu qu'on trouve quelqu'un à qui le char bloquait l'entrée, alors il a tassé ça. Mais eux, ils bloquaient une entrée de la ruelle a fait comme un T dans le fond. La longue partie du T allant vers le nord, mais cette partie-là était bloquée parce qu'il y avait des travaux. Alors, dans le bas, le côté du T qui va vers Pineuf était bloqué à cause des jobbeux. Puis de l'autre bord, ben c'est nous autres qui se parquaient là de reculons pour pouvoir rentrer les meubles chez nous, tu sais. Alors, il a fallu que je recule ce 20 pieds-là, là-dedans. Et puis, ça a été pas pire. Tu sais, j'ai mon permis. Là, je vais avoir 41 ans, le 25 décembre, donc vieux bat. Mais j'ai mon permis de conduire depuis 15 ans et demi à peu près, depuis que j'ai 15 ans et demi. Fait que je conduis beaucoup quand même, de moins en moins en ville, on s'entend là. Maintenant, j'ai plus besoin de conduire, c'est ma blonde qui conduit tout le temps pour son travail. Fait que moi c'est le vélo puis l'autobus tout le temps, sauf la fin de semaine. Puis là en plus, mon plus vieux, il joue au hockey, son hockey mineur, ben ça c'est terminé maintenant, il joue pour son école. Alors, comme ça, c'est géré aussi. Fait qu'il n'y a plus de hockey la fin de semaine. Fait que le hockey, ça nous faisait voyager tout le temps. Fait que bref, on n'utilise presque plus le char, tu sais. Et puis, c'est ça. Mais, tout ça pour dire, je suis quand même pas pire pour conduire, je pense. J'ai jamais eu d'accident majeur. Rien de grave. juste des petits accrochages, de rien, là. Et puis, j'ai réussi à parquer ce beau camion-là une fois, puis là, on a fait ça, c'était l'heure de dîner. J'ai été chanceux, je l'ai redéplacé après ça en face du magasin, le magasin qu'on a présentement. Et puis, il y avait de la place. Donc, serré, serré, mais il y a de la place. Parquer à 20 pieds en parallèle, là, c'est jamais plaisant. Et puis, quand c'était le temps de retourner là-bas, là, c'était la pagaille, là, tu sais, parce qu'on s'est stationné encore de reculons dans la ruelle. Puis là, il y avait quelqu'un qui voulait sortir, un résident qui voulait sortir. Il a fallu que je tasse le truck. Là, je recule le truck. Là, 15 minutes après, les gars de construction, ils avaient fini, eux autres, là. Fait qu'il fallait qu'ils sortent. Fait que t'avances le truck. Là, je bloquais du monde dans l'autre sens. Après ça, recule le truck. J'étais comme, hostie de truck. Tu sais, t'as hâte que la journée finisse quand il faut que tu gères un fucking camion comme ça dans la ville. Et puis, c'est ça. Et puis, on a vraiment rushé à monter ça parce qu'on est au deuxième étage. Fait qu'il y avait des gros bureaux en métal lourd et puis des gros classeurs qu'on a pris surtout parce que c'était un bon deal. Tu sais, oui, on peut mettre bien des affaires là-dedans, des bibliothèques, c'est plus utile, mais on a pris les classeurs pareil. Si jamais on en a trop, on les revendra ou je sais pas quoi, mais c'est des très gros classeurs, tu sais, lourds, lourds, lourds, qu'on pouvait pas enlever les tiroirs parce qu'ils sont barrés, il faut qu'on retrouve les clés, bref. Ah, man, ce soir-là, on a bien dormi, là. J'étais raqué, là. Mais tout ça s'est fait sans anicroche. Alors, les meubles sont rentrés, le poulain est dans l'écurie, et puis cette place-là est faite pour le moment. Ah, ben aussi, en après-midi, tant qu'à être là, on est allé domper les meubles. C'est vrai, on a fait un deuxième voyage. Après ça, on est revenu au magasin. Après ça, on a rempli le truck de toutes les affaires qu'on avait au sous-sol, qu'on n'avait pas besoin d'utiliser d'ici Noël, dans le fond, avec le magasin ferme. Fait que toutes les boîtes de fil, des boîtiers vides, man, toutes les guitares, les tapis de dance, tout ce genre de gogosses-là qu'on accumule depuis si longtemps, tous les collecteurs, les livrets qu'on n'a pas mis en inventaire encore. C'est comme, on a tellement d'affaires, là, tu sais. Puis là, on en mettait un peu partout dans le sous-sol présentement, mais là, en mettant ça dans le camion, tu sais, des boîtes de consoles, on en a 50, là, tu sais. Puis là, en regardant ça, c'est, oh, man, il y a de la crap. Mais on a rempli le truck de ça au complet, puis on a tout dompé ça là-bas, dans un bureau, qui sera le bureau de notre technicien Carl, éventuellement. Et puis, au moins, on a fait ça, parce que sinon, il aurait fallu le faire avec des voyages d'auto, plein de voyages d'auto, et puis ça, c'est quand même pénible. Il va rester plein de voyages de char à faire, parce que définitivement, il faut déménager les ordinateurs, il faut déménager plein d'affaires. Mais au moins, on avait le truck, on a déménagé les grosses choses, et puis les affaires déprimantes. Fait que là, il a fallu démonter des gros racks de fer, genre 4, et puis les remonter là-bas. Je vous dis, quand tu commences un projet, il faut pas que tu penses à tout ce que ce projet-là va te faire dans la vie, parce que sinon tu ferais jamais rien, tellement ça peut être décourageant. Mais c'était une grosse journée. Mais c'est fait. Donc ça, c'est une belle étape. Donc je sais pas quand on va commencer à faire ça, parce que là, le gouvernement, vous l'avez vu, a annoncé la fermeture des commerces. Donc comme tout le monde, on ferme le 25 et on a le droit de réouvrir le 11 janvier. J'espère qu'on va pouvoir réouvrir le 11 janvier. Quoique, pour ce qui est de Retro MTL, vu qu'on fait de la vente en ligne, ça change pas grand-chose. T'sais. Si je me fie à ce qui s'est passé avec la COVID la première fois, les ventes se maintiennent. T'sais. On a des revenus qui rentrent pareil. On a un staff, on a moins de staff parce qu'on n'a pas besoin de monde pour gérer les clients. T'sais. Donc, on est low staff, puis les ventes baissent un peu. Mais tu sais, ça fait une balance. Puis au final, on continue d'être 100% rentable et fonctionnel. Donc, ça pose pas problème du tout, en fait. C'est juste que j'aimerais ça que ça ne me tente pas tant là, de passer un mois et demi avec mes enfants à la maison. Là, t'sais. C'est long, là, ça. Là, puis on sait pas quoi faire de notre peau. Là, t'sais. Je me rappelle l'année passée. Là, je trouvais ça très difficile. Fait que, oui, on les aime, tu sais, mais c'est parce que là, ils peuvent pas voir d'amis, on peut pas aller nulle part, tu sais, comme à un moment donné, les options, aller prendre des marches, là, tu sais, puis jouer au hockey dans le sol ici, ça fait un temps, là, tu sais, jouer au Romy, à Trouble, tu sais, c'est, je sais plus, là, tu sais, puis tu veux limiter le temps d'écran un peu aussi, puis là, tu sais, le gouvernement, « Ah oh, non, non, mais inquiétez-vous pas, c'est de l'école quand même. » Mon plus vieux, cette semaine, il est en télé-école, dans le fond, puis c'est une vraie farce, là, c'est fini, en 5 minutes, c'est court, genre, « Bon, avez-vous tel travaux? Ouais, ok, ça c'est refait, bon, ouais, ça c'est réglé, alright, c'est beau. » C'est comme, « Caroline, non. » Il est supposé avoir de l'école tous les après-midi, finalement, ça dure 1 heure, puis même pas, des fois 5 minutes, puis c'est fini, c'est beau, t'as plus d'école aujourd'hui. C'est vraiment, tu sais, nous autres, c'est parce qu'on se base là-dessus en se disant, ok, lui est occupé, on peut faire de quoi avec le plus jeune, ou je peux travailler, si, j'ai quand même du travail, moi, là. Moi, il faut tout le temps que je mette toute ma vie sur pause à chaque fois que ça arrive, fait que bref, ça me fait chier, et puis c'est pas vraiment pas l'idéal. D'ailleurs, autre affaire weird, on voulait faire du pick-up en magasin pour Retro MTL, et puis je vais vous mettre à l'instant, là, l'extrait audio du premier ministre qui dit qu'on peut le faire. And on the same topic, for the non-essential businesses that will be closed down, would curbside pick-up still be available at some of these, or are the stores to close completely? They will be, it will be available. So people who wanted to pick up some goods at the door, they will be able to do so. Thank you. Donc vous voyez, il dit mot pour mot qu'il y a du curbside pick-up possible. T'sais, ça va être fait. Puis là, semblerait qu'on peut plus. Donc on essaie de trouver de la place. Oui, je sais là, que c'est les gros magasins, là, les Canadian Tire, les Walmart, ils ont juste le droit de vendre de la bouffe, sinon il faut qu'ils ferment. Et puis cette bouffe-là peut être curbside, je sais pas quoi. Et nous, les commerces non essentiels, faut qu'on ferme. Par contre, notre commerce à nous, il fonctionne pareil à cause de la vente en ligne. Fait que, tu sais, pourquoi ne permettez-vous pas la cueillette en magasin, là, tu sais, comme un client vient à la porte, il sonne, voici ton jeu, merci, bonne journée, l'économie meurt pas. T'sais, mettons, les petits commerces survivent, mettons. T'sais, ce qu'ils veulent pas, c'est que le monde aille travailler, là, puis que le monde aille chez eux, là, t'sais, encore une fois. Mais Chris, on est les employés, nous, là, chez Retro MTL, on est dans la même bulle, là, solide, t'sais, une bulle, là, une vraie bulle, solide, là, notre bulle, là, la bulle est mauve. Là, on est dans cette bulle-là, tout le monde ensemble, depuis très longtemps. T'sais. Fait que, je veux dire, là, on serait quoi, 3? Les 2 gars de web qui rentrent des jeux, plus une personne qui s'occupe du shipping et du pick-up en magasin, puis qui passe la vadrouille, tu sais, je veux dire, c'est pas... Et pendant ce temps-là, la business continue de rouler, tu sais, je veux dire, il n'y a pas plus de danger que tu viennes avec ton masque dehors chercher ton affaire, que le facteur Post-Canada vienne chercher les colis, là, tu sais, moi, c'est un non-sens, c'est tellement niaiseux, là. Ça aiderait beaucoup de monde de pouvoir permettre ça sérieusement, là. Permettez ça, hostie, voyons. C'est pas du genre à chialer sur les mesures, puis je suis pas anti-masque ni rien, puis complotiste, whatever. Mais des fois, je trouve qu'il y a des affaires niaiseuses, puis ça, c'est une affaire niaiseuse. T'sais, tu peux aider les petits commerces sans fucking danger, et tu décides de pas le faire. Fait que c'est vous qui allez payer pour ça, chers amis. Tout le monde va aller sur le chômage, PCU. Je sais que c'est fini, la PCU. Fait que tout le monde retourne sur le chômage. Tout le monde va sur le chômage, et puis c'est les contribuables qui payent pour les subventions aux entreprises, et puis tout ça. Au moins, Retro MTL, ça... Hey, excusez. Ce café-là commence à me rentrer dans les veines! chez Retro MTL, on n'a pas besoin de subventions aucune, puis tout va bien, fait que ça, c'est bien. L'arcade, par exemple, on vient d'avoir... Là, c'est le fun, ils ont bonifié le prêt du fédéral de 20 000 $. Donc, on avait droit à 40 000 $. Sur ce 40 000-là, on a 10 000 qui nous appartient si on rembourse 30 000 dans le fond d'ici fin 2021, il me semble. Et puis là, ils ont bonifié ça d'un autre 20 000, duquel on peut garder 10 000 si on rembourse l'autre 10 000 à fin 2021, il me semble. Donc, on a un prêt de 60 000 sur lequel on peut garder 20 000 $ pour nous. Ça, l'extension vient juste d'être ajoutée. Fait que ça, c'est merveilleux. Par contre, là, ce qui arrive, c'est qu'on peut toujours pas ouvrir. Et puis, si on peut ouvrir juste à, je sais plus, moi, cet été, tu sais, ou à la fin de l'été, ben, ça laisse juste 3 mois pour se refaire. pour payer, tu sais, le prêt. Tu sais, on veut pas des prêts, tu sais, on a besoin d'argent, là, tu sais, ou on va leur donner le 40 000. On n'y a pas touché encore, on n'a rien touché à ça. Et puis, moi, ce que j'aimerais, c'est toucher ça le moins possible. Faut pas, tu sais, un coup qu'on va passer le 20 000 qu'on a droit de garder, il faudrait qu'on puisse rouvrir, là, puis qu'on redonne l'argent au gouvernement, là, tu sais, pour pas... Moi, je veux pas de dette. Je veux pas une entreprise fermée, endettée, tu sais. Comme, je perds mon argent. À un moment donné, on n'a plus d'argent, mais après, quand on n'a plus, s'il faut en prendre un peu du prêt pour toffer 2 mois jusqu'à ce qu'on réouvre, on est prêt à le faire. Par contre, moi, personnellement, je ne vais pas injecter 20 000 de ma poche dans cette entreprise-là parce que, Chris, on nous ferme à tout bout de champ. T'sais. Qui sait qu'est-ce qui va arriver encore? Là, je sais pas. Là. Il va y avoir le virus, va faire une autre affaire, je sais pas quoi. Donc, non, si on va pas caler nos économies personnelles là-dedans, mais c'est ça, on va peut-être... C'est long en crise. Et puis, on a une aide provinciale aussi qui est rentrée, ou qui va rentrer. C'est tellement compliqué, là, le provincial. Esti Québec compliqué, man. Moi, je te le dis, je comprends pas les complotistes qui cherchent des affaires comme, genre, le 5G ou... qu'est-ce qu'il y a en arrière des bouteilles de shampoing? Oh, c'est écrit le nom du virus là, quand tu check en. Guys, c'est la suradministration, c'est la bureaucratie, c'est la lourdeur de la bureaucratie québécoise qui nous empêche d'avoir un pays et d'aller de l'avant. C'est parce que tout est long, c'est parce que tout est compliqué que ce pays-là n'est pas capable, de, comme disait Infoman, de bâtir un pont esti en moins de 10 ans, 20 ans. T'sais, comme on est embourbé, on n'est pas capable d'avancer parce qu'il y a trop de bureaucratie, puis de papier à remplir, puis de téléphone, puis de gogos. Les commerces, man, ils ont 1000 permis à demander pour faire ci, pour faire ça. Bel exemple, ma blonde a besoin de faire une prise de sang. Et puis avant ça, c'est compliqué. Faut que tu prennes rendez-vous avec ton médecin de famille que tu n'as pas. Alors, il faut que tu trouves une façon de prendre rendez-vous avec un médecin. Donc, tu vas perdre du temps là. Le médecin, en personne, il fait rien. Il te regarde, il te signe un papier. Voici, tu peux aller te faire une prise de sang. Merci. Après ça, tu pars avec ton papier. Faut que tu ailles prendre un autre rendez-vous pour la prise de sang. Là, tu vas là, bien sûr, c'est dans un CLSC, je ne sais pas quoi, il y a 10 000 personnes. Hostie, ça te prend une journée au complet avant de faire la prise de sang. Tu sais, il y a des étapes et c'est long. Mais là, maintenant, on peut juste appeler le médecin. Salut, j'ai besoin d'un papier. Le médecin envoie un email. Hey, forward le email au CLSC. Le CLSC ne veut pas qu'il y ait du monde qui s'agglutine dedans, fait qu'il te donne un rendez-vous précis. Tu y vas précisément, c'est réglé en 5 minutes, tu retournes chez vous, Carlis. Tu sais, pourquoi c'est pas de même tout le temps? Pourquoi c'est, tu sais, ma blonde, elle travaille au gouvernement. Et puis, man, c'est juste de tasser un ordinateur, ça faut que tu passes à travers des paliers de... tu sais, c'est dégueulasse. Puis, vous vous souvenez, au début de la pandémie, les cas, ils se faxaient, man, les désinformations, ils se faxaient et décès, là, tu sais, c'est... Le système informatique, les personnes n'avaient pris ça en charge, ben on peut pas prendre ça en charge, c'est tellement compliqué, il faut tout passer à travers plein de niveaux, tu sais, puis les syndicats aussi, là je suis parti même, les syndicats qui empêchent de, ah oh, man, c'est parce que moi je bâtis mes affaires, tu sais, moi je suis tout le temps comme le moins d'être, excusez, j'ai accroché le micro, le moins de gogos, le moins d'étapes possibles. On veut faire quoi, là? On veut faire un bar arcade? On veut faire un magasin de jeux vidéo? C'est par où qu'il faut aller? C'est par là? On va par là, tu sais. Et puis, ouais, mais attends un peu. Non, fuck off, tu sais. On sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on veut. Et puis, oui, on va répondre aux exigences de base. Mais ajoute pas des étapes body, là. Toutes les étapes, là, tout le gossage que tu peux t'enlever, tu te l'enlèves, tu sais. Et puis, c'est comme si toutes ces étapes-là, ce qu'il fallait payer, tu sais, des paliers de décisionnels, de commission scolaire, man. Tout ça, c'est des étapes, tout ça, c'est des hurdles, tout ça, c'est des haies devant toi pendant que tu fais ta course pour atteindre ton but. Puis un coup que tu as atteint ton but, ben là, tu es imposé en sauvage et puis on te ferme et puis... En tout cas, le Québec est pas job pour aider les entrepreneurs, laissez-moi vous dire. Le Québec en fait pas beaucoup. Oui, il y a plein de petits organismes, PME Montréal, gna. Ça, c'est quoi encore? Tu sais, c'est des affaires qu'il faut que tu ailles passer 50 heures de formation avant d'avoir 2000$. Tu sais, c'est... Non, il n'y a rien, il n'y a personne qui vous aide dans la vie quand vous avez des idées ou des projets. Fait que c'est pas les autorités en place qui vont vous aider, ils vont vous nuire. Il va falloir que vous les combattiez, il va falloir que vous les convainquiez, et puis il va falloir que vous leur prouviez plein d'affaires. Mais c'est ça. Ça, c'est une grosse partie, ça, d'être entrepreneur, se faire chier avec ça. Là, t'sais. Comme avoir l'idée, c'est un centième de toute la tâche. 95% c'est du travail. Je pense que l'autre 4% c'est juste comme se faire chier avec toutes les autorités en place. Ah, je sais pas pourquoi je chiale de même là-dessus. Pourtant, c'est pas dans mon listing. J'étais pas supposé parler de ça un matin. Ah, oh, c'est pas grave, hein? C'est ça, chez Papa Cassette, c'est un peu n'importe quoi des fois. Et puis, bon, hey, là, c'est mon dernier épisode avant Noël, bien sûr. Je sais pas ce que ça va donner dans le temps des fêtes. D'ailleurs, Rétro Nouveau est de retour. Rétro Nouveau a fait un épisode sur les consoles Next Gen. Donc, Michael Baroque Larouche du Chac à Cassette était invité à discuter avec Bruno et Fred de la PS5 et de la Xbox One. Xbox Series, c'est Xbox Series, là, ça, là, ces noms-là. Là. Et puis, ils ont fait ça pendant 3h30. Je ne l'ai pas écouté, guys. Désolé. Ça, je connais pas, ça m'intéresse pas. Mais c'est pour ça que ça intéresse. Je suis sûr qu'il y a eu des tonnes d'informations absolument incroyables. Donc, voilà, si les consoles de Next Gen, vous êtes là-dedans, allez écouter ça. Sinon, Rétro Nouveau reprend du service ce soir exclusivement. Ben, exclusivement, tu sais. Après les fêtes, j'imagine, on va en faire d'autres. Mais ouais, là, on est là ce soir, le 22 décembre à 8h sur Twitch. Et puis, on va parler de nos jeux préférés qu'on a joués cette année. Et puis, questions du public, discussion. Ça va être un épisode très relax. Et puis, même Jeff risque d'être présent. Il est tout seul ce soir, sa blonde travaille, mais un coup qu'il va avoir réussi à coucher son petit, il va peut-être pouvoir embarquer sur le show puis être là. Alors ça serait bien le fun. Même nous, ça fait comme... On n'a pas parlé... Ben, je veux dire, on se parle dans Messenger, mais voir JF, sa voix puis tout ça, avec nous, tu sais, comme ça fait un an, ça fait très longtemps. Donc, Rétro MTL ce soir. Et puis, ouais, sinon, vous pouvez aller écouter ça dans notre backlog n'importe quand. Et puis, ouais, moi, grosse année, là, il s'est passé bien des affaires, il s'est passé une couple d'affaires, mais mettons au niveau personnel, ça a vraiment été pour moi une année où est-ce que j'ai fait un travail sur moi-même, un travail s'est fait sur moi-même naturellement, je dirais. J'ai appris à vivre avec 24 000$ de moins par année dans mes revenus annuels. Ah ben, on rit, mais c'est pas drôle. Et puis, ça m'inquiétait un peu. Parce que quand tout ferme, t'es comme, mais moi, mes revenus, c'est mes entreprises. Et je dois fermer mes entreprises. Fait que c'est ça. Donc là... C'est différent la vie parce qu'on a vraiment beaucoup moins de dépenses parce qu'il faut qu'on reste à la maison le plus possible. Donc, on économise beaucoup là-dessus. Fait que là, je perds un revenu très important. Par contre, on dépense moins. Fait que tout ça semble balancer. J'étais très stressé. Je me suis comme, au début de l'année, même avant que la COVID arrive, je me disais, faut que je refasse mon portfolio. Faut que je trouve un vrai job. Et puis que Retro MTL et Arcade MTL continuent d'être un peu des side jobs. Et puis finalement, c'était compliqué. Puis finalement, j'étais déprimé de faire mon portfolio dans le sous-sol ici. Puis j'y arrivais pas. Fait que je me suis concentré 100% sur Retro MTL. Et puis, je pense que ça l'a aidé quand même pas mal l'entreprise parce qu'on a développé beaucoup. C'est pas, ben, la COVID a propulsé les ventes. On a engagé du monde cette année. On a fait plein d'affaires. On s'est payé une grosse... Ça a l'air de rien. C'est une étape importante dans l'entreprise de s'équiper d'une resurfaceuse qui vaut la peine. On a essayé des choses. On a commencé à mettre des livrets en inventaire. On a commencé à avoir des plastiques protecteurs de boîtes en inventaire. On a essayé d'autres fournisseurs cette année aussi. On a, On a loué un nouvel espace qu'on a meublé, mais ça, louer l'espace, c'est une chose. Mais avant ça, moi, j'ai magasiné, là, je prenais des marches, j'ai appelé genre 15 locaux, là, tu sais, pour essayer de voir. Parce qu'on déborde, là, on n'a plus de place, tu sais, il fallait faire quelque chose. Fait que ça a été un processus. Et puis, j'étais sur place tout le temps. Et puis, à partir du moment que j'ai pu aller travailler, là, mais sinon, j'allais faire du shipping. Là. Bref, je me suis beaucoup impliqué, je me suis beaucoup plus impliqué dans cette entreprise-là que je l'étais auparavant. Ce qui, je pense, a aidé à son développement plus rapide cette année. Fait que, puis, me rendant compte que je suis capable d'y arriver avec principalement les revenus de Retro MTL. Oui, j'ai des petites gigs de graphisme on the side que j'ai fait. Et puis, j'ai eu la PCU aussi quand j'étais à la maison, je ne pouvais pas travailler. Mais je suis capable de vivre, dans le fond, sans mes revenus de l'arcade. Fait que ça, c'est bien. Je mets beaucoup moins, bien sûr, d'argent de côté. Dans le fond, je vis pareil, mais tout l'argent d'extra que j'avais, je le mettais en CELI ou en placement. Fait que là, j'ai beaucoup moins d'argent que je mets de côté, dans le fond. Mais j'en mets quand même un petit peu. Et puis, je réussis à vivre bien correctement présentement. Du moins, j'ai vraiment hâte de voir mon prochain rapport d'impôt, qu'est-ce que ça va donner, parce que j'ai fait beaucoup moins d'argent. Mais c'est ça, j'ai eu une PCU. Et puis, beaucoup moins de contrats de graphisme. Fait que là, mais avant, moi, dans le fond, quand j'étais full-time, ou presque full-time graphiste à mon compte, je chargeais les taxes sur les jobs de graphiste que je faisais. Bien sûr, je remettais des taxes, je faisais des acomptes provisionnels. Ça, il faut que tu fasses des acomptes provisionnels au gouvernement quand ils te le demandent. C'est des avances que tu fais sur tes impôts. Et puis je le faisais de temps en temps. Mettons, je faisais un contrat de 2000$. Ben, je donnais, mettons, 400 au provincial et puis 100 au fédéral, dans le fond. Et puis, j'ai pas de règles précises. Je suis tout le temps allé un peu random de même. Et puis, à chaque année, j'avais tout le temps un petit retour d'impôt. Fait que, tu sais, mon average calcul de combien je devrais leur donner sur un 2000$ faisait pas mal la job. Fait que je faisais ça de même et puis ça a tout le temps bien été. Mais là, cette année, j'ai donné aucun acompte. J'en ai pas, j'ai pas d'argent. Là, puis je charge plus de taxes. Fait que je me suis comme sorti du travail autonome, carrément. Je fais juste comme charger le montant des heures que je travaille quand je fais des petits contrats puis that's it. Fait que bref, tout ça pour dire, j'ai pas donné une scène au gouvernement cette année, autre que mon salaire d'employé chez Retro MTL. Fait que j'ai hâte de voir si je vais leur en devoir beaucoup de ce côté-là ou si ça va compenser par le fait que j'ai perdu beaucoup d'argent comparé aux autres années. Bref, je sais pas, mais moi, c'est les impôts. C'est du gossage. Par contre, vu que je suis organisé, c'est pas trop long que j'ai toutes mes affaires et je suis prêt à aller voir la comptable. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va dire, tout ça. L'année passée, j'ai eu un retour d'impôt de 2000$ et j'ai eu vraiment la chienne parce que quand ils ont communiqué avec moi, les comptables, pour commencer, ils ont dit « Tu dois genre 2000$. » Puis là, j'étais comme « Voyons donc, fuck, comment ça je dois des impôts? » En plus, c'est des nouveaux comptables avec qui je fais affaire. J'avais jamais fait d'affaire avec eux avant. Là, c'est quoi, Chris? Change de comptable, puis eux autres calculent autrement, puis là, c'est moi qui dois de l'argent au gouvernement. Mais finalement, ils m'ont renvoyé un email, genre 15 minutes après, pour dire « Oups, erreur, c'est eux qui te doivent 2000. » Je suis comme « Hey, dude, mauvaise job! » Fais pas ça! Fait que c'est ça. Je parle beaucoup d'argent, hein? Je sais pas pourquoi. Je suis capricorne, hein? Les capricornes, c'est inquiet de l'argent, ça, je pense. Et puis, ça sera le seul moment d'horoscope que je vais dire, d'affaires d'être well. Là. Mais je suis fait de même. L'argent m'inquiète beaucoup, ce qui fait que c'est ma principale inquiétude, en fait. Mais d'après moi, ça va balancer. Donc, sur mon année, j'ai appris à mettre, comme beaucoup de monde, je l'imagine, mettre de l'eau dans mon vin. Je suis beaucoup plus relax. Il y a beaucoup de choses que, comme je me stresse plus avec ça, c'est comme, bon, ben, voilà. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça qui arrive, c'est ce qu'on fait, telle affaire qui est, ah bon, c'est pas grave, tu sais, il y a tout le temps une solution, mais on est beaucoup moins stressé, on est beaucoup moins pris aussi, puis tu sais, comme là, c'est Noël, là, justement, Noël, on célèbre ça le 24, ça a tout le temps été comme ça, parce que le 25, on fait ma fête, et puis on fait habituellement Noël le 24 chez mes parents à Saint-Hubert, et puis après, on dort là. Le 25, au matin, on se lève. Là, bonne fête, Dominique! Yeah! Je mange mon gâteau vers midi, tout ça. On finit de se préparer et puis on part en voiture pour aller en Beauce dans la famille de ma blonde. C'est un voyage d'à peu près 3 heures de Montréal à Saint-Joseph de Beauce en voiture. Donc, je passe tout mon 25 après-midi à faire du char. Quand il fait pas beau et il y a du trafic, c'est vraiment désagréable. Fait que là, on arrive en Beauce. Je suis comme fatigué d'avoir mal dormi chez mes parents, fatigué d'avoir fait de la voiture. Puis là, c'est comme « Ouais, Noël! » Puis là, après le 26, il y a rien. Habituellement, on va dans un autre party chez la tante de ma blonde où est-ce qu'il y a plein de monde, des cadeaux, des affaires. Puis là, on est en Beauce. Hey, on reste là une journée ou deux, on revient ici. T'sais, ça fait que c'est beaucoup de monde, beaucoup de char, beaucoup de dormir ailleurs, beaucoup de gestion, tu sais. Puis là, il faut se préparer à ça, tu sais. Il faut comme faire le lavage, il faut faire les valises, emballer les cadeaux, ça être prêt à partir. Quand est-ce que tu finis de travailler, toi? OK, on va partir là. Quand est-ce qu'on revient à Montréal? Hein? Là, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Tout ce qu'on fait, c'est genre préparer le souper pour le 24. On mange ici. On joue à des jeux, on se couche. Le lendemain, c'est ma fête. Yeah! On bouffe, on se couche. On fait un petit zoom avec la famille. That's it. Il n'y a rien. Tu sais, ça... J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. M'a vous le dire, j'haïs pas ça partout. Je veux pas... Je veux voir du monde, je veux voir la famille puis tout, là, mais comme moi, le chaos des fêtes, là, la surplanification de tout ça, tu sais. Puis c'est ma blonde qui s'occupe de 98% des cadeaux, là, de nos enfants, de tout, tu sais. Puis comme, elle manage ça en championne. Moi, je suis juste étourdi. Puis j'aide à emballer, tu sais, comme je contribue. Je ne suis pas assis sur mon cul à rien faire. Je fais autre chose. Mais ouais, on n'arrête pas. Puis là, ben là, il n'y a rien. Fait qu'on est bien relax. Et puis j'aime bien ça. Donc, c'est un Noël triste parce que tout le monde est chez soi. Mais on était prêt à ça, avouons-le, hein, quand même. On n'est pas surpris là, qu'on doive tous rester chez soi. Fait qu'on va, je vais en profiter cette année pour être relax à Noël. Puis je pense que ça va faire du bien. Ça me fait du bien juste d'y penser. Fait que c'est ça. 2021 va être une année... ça va être une année stand-by hein, quand même. Là, la vaccination va avancer. D'après moi, la vaccination va faire... Et surtout, la chaleur qui reprend... La chaleur va refaire baisser les cas, puis ça va devenir vraiment moindre comme l'année passée. Ce virus-là semble fonctionner dans le fret. Et puis, la vaccination va continuer. Donc, tout ça devrait descendre. Et puis, ma prédiction est qu'on pourrait réouvrir l'arcade juin-juillet. Et puis, ça serait très bien. Donc, on aurait passé au travers. Et puis, tout le monde serait vacciné. D'après ce que le gouvernement a dit en septembre. Peut-être même que ça va aller plus vite que ça. Il y a d'autres compagnies de vaccins qui semblent pusher leurs produits aussi. Donc, tout ça devrait aller très vite. Moi, là, quand ils parlent de vaccins, là, ça me rend tellement heureux. C'est les affaires. C'est ce qui me donne de l'espoir là, présentement. Et puis, là, par exemple, dans les derniers jours, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une nouvelle qui avait une nouvelle souche ou une fucking mutation du virus, je ne sais pas quoi, en Angleterre. Puis là, c'était comme super contagieux, cette nouvelle affaire-là. Fait que là, eux autres, ils ont tout refermé, tu sais, tout le monde chez eux, allait pas là, tatata. Là, je suis comme, non, faut tout refaire. Enfin, ça prend un autre vaccin, faut tout recommencer. C'est plus bon déjà, tout ce qui a été fait. Mais j'ai écouté les nouvelles, et puis, ils ont dit que c'est le même virus, mais juste comme un peu sué à sauce. Et puis, que le vaccin, c'est le même, il est efficace, puis that's it. C'est rien que là, cette nouvelle souche-là, je sais pas quoi. Elle va vite. Plus vite que les autres. Fait que là, là j'étais soulagé, sérieux. Cette nouvelle-là m'a déprimé solide. Mais on est correct. Cela dit, il va-tu en avoir une bionique virus de ça qui va, tu sais, en tout cas. J'aime mieux pas y penser. Là, je focus mon espoir sur l'été qui s'en vient. Et puis, ça va être une année de ça. Ça va être une année de transition. Fait que moi, je vais me plonger 100% dans Retro MTL, encore une fois, à bien... synchroniser les deux places. Il y a des employés qui travaillaient la fin de semaine qui vont maintenant travailler la semaine. Maintenant, on va demander aux employés de semaine de faire le shipping. La fin de semaine, la gestion va être faite autrement. Il faut qu'on leur montre à faire du shipping. Il faut qu'on leur montre à répondre aux messages. Il faut qu'on installe la nouvelle place. Puis, tu sais, il va y avoir beaucoup de choses, là. Il va y avoir beaucoup de jeux qui partent au quartier général, se faire tester, mettre en ligne. Après ça, tout est beau, tout est étiqueté. Après ça, il faut que ça retourne au magasin. Il va y avoir beaucoup de va-et-vient. Notre technicien va, d'après moi, probablement rentrer à temps plein chez nous. On va l'engager à temps plein. Il fait une très bonne job et puis il est excellent. Donc, on va peut-être offrir un service de réparation. Les lots qu'on va acheter, il faut qu'ils viennent au quartier général, idéalement, parce que c'est là qu'on va les tester, on va payer les gens, on va leur donner un crédit qu'ils peuvent aller dépenser en magasin s'ils veulent. Donc, tu sais, comme ça va être une grosse étape, ça. Puis ce qui est le fun, la façon que je le vois, c'est que ce quartier général-là est un back-end de gestion, d'administration et de toute paperasse. Et puis, notre présent magasin devient un peu comme notre seule franchise, tu sais. Et puis, si tout va bien, puis que les ventes sont là, puis que c'est rentable, et il n'y a rien qui va nous empêcher après ça d'ouvrir peut-être un autre succursale ailleurs dans l'ouest de l'île. Moi, je pense que je suis sûr que ça marcherait. Convainquez Fred de le faire, s'il vous plaît. Et puis, pas tout de suite. Mais une fois tout ça en place, puis on se rend compte que ça fonctionne, ben on va peut-être avoir un système de messager pour comme déplacer les jeux d'une place à l'autre, je sais pas quoi. Moi, je suis sûr que ça marcherait. Et puis, donc, c'est ça, un coup qu'on a le quartier général, ben on peut se mettre des tentacules un peu partout, là. Donc, je le vois vraiment comme ça. Alors, c'est ce que je nous souhaite, et puis on va continuer de travailler en ce sens. C'est bien excitant tout ça, moi, c'est ce que je vais faire. Et puis, dernière gorgée de café pour terminer. Et puis aussi... pour terminer, je joue... vous écouterez Rétro Nouveau pour les jeux auxquels j'ai joué cette année. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que je vais parler. Mais j'en ai vraiment beaucoup plus. Ah, d'ailleurs, je vais faire ça. Vous savez, vous avez peut-être vu, moi, sur ma page Facebook, je le mentionne rarement, mais des fois. Je dresse une liste à chaque année des jeux que je termine. Je fais ça depuis 2017. En 2017, j'ai fini 46 jeux. En 2018, 34 jeux. En 2019, 26 jeux. Quand j'étais occupé. Et en 2020, 45. Donc, 45. Colin, j'ai fini plus de jeux en 2017. Ça, c'est bizarre, ça. Mais, c'est sûr que je pourrais aller m'asseoir, là, puis finir, genre, 6 jeux facile, là, Contra, Castlevania, whatever. Puis je les note à chaque fois, même que je finis ces jeux-là que j'ai déjà fini auparavant. Parce que j'aime juste ça, noter les jeux que je finis. Parce que, je sais pas, ça me donne, on dirait, un but dans la vie. Fait que c'est plus le fun de finir les jeux. Donc, cette année, j'ai fini 45 jeux à venir jusqu'à la date. Et puis, je t'envoie de finir mon dernier qui est Elliot Quest. Et puis, je vais en parler dans quelques instants. Mais je vais juste vous nommer les jeux que j'ai terminés cette année. Shovel Knight Spectre of Torment. Shovel Knight King of Cards. Spot's Adventure au Game Boy. Jurassic Park 2 de Chaos Continues au Game Boy, Bionic Commando au Game Boy, DuckTales au NES pour la première fois de ma vie, j'étais bien content, Monster Boy and the Cursed Kingdom, donc vous voyez moi en fait c'est NES, Super NES, Game Boy Switch, c'est juste sur ces consoles là que j'ai fini des jeux cette année, je me suis rendu compte que c'est vraiment mes 4 consoles préférées ever, fait que c'est ça, Blasphemous, Castlevania 3 Dracula's Curse, Xexiz au NES, c'est bon. Time Spinner, Switch. Metal Storm, NES. Bubble Bubble for Friends avec mon garçon, Switch. Blazing Chrome, Slain Back from Hell. Guacamelee 2, ah que c'est bon, Guacamelee. Tailgater au Game Boy. Final Fantasy Mystic Quest, ça faisait longtemps. Strider au NES, toujours bon. Flintstones, The Rescue of Dino and Hoppy. Flintstones, Surprise at Dinosaur Peak, le jeu qui vaut cher. J'avais jamais pris le temps de finir les Flintstones, donc je suis bien content d'avoir fait ça cette année. Freedom Planet, le jeu qui ressemble à Sonic sur Switch. Mother Russia Bleeds, Switch. Honeycan, Switch. Odalus, Switch. Fortified Zone, Game Boy, excellent jeu. Xeodrifter, Switch, que j'avais fait sur 3DS dans le temps. J'ai refait cette année, très plaisant. Panzer Paladin, bien sûr, Switch. Hook, au Super Nintendo, très bon jeu. Contra des Alien Wars au Game Boy, très bon. Momodora, Rêverie, Under the Moonlight sur Switch. Gunvolt Chronicles, Luminous Avenger EX, ou bien 9, je sais pas comment ils disent. Switch, bien sûr. Un jeu court. Final Fight 2 et Final Fight 3 Super NES, très content d'avoir fait ça. Zelda Link's Awakening sur Switch, très plaisant, bien sûr. Panic Restaurant pour relaxer sur NES. Dick Tracy Game Boy, une surprise. Mega Man 4, NES, ça faisait longtemps. Mickey's Dangerous Chase au Game Boy. Fucking dur à la fin, ça. Sérieux. Vraiment. Popeye 2 Game Boy. Très bon. Un peu, ça ressemble un peu à Super Mario Land. Bomb Chicken, ça a été une surprise pour moi. Je pensais pas aimer ça tant que ça. Sur Switch, Kunai, j'ai adoré sur Switch. Super C, que j'ai fait en setup de pauvre. Shantae and the Seven Sirens, un bon Shantae. Pas le meilleur, pas le moins bon. Et puis Agelos, que j'ai adoré sur Switch. Et puis, ce sont mes jeux terminés cette année. Et puis là, je joue présentement à Elliot Quest et je suis vraiment proche de la fin. Et puis, oui, c'est un jeu genre hommage à Zelda 2, si on peut dire, avec une map d'overview et puis des monstres qui se promènent sur la map. Et puis, plein de places à aller, plein de places à retourner un coup que tu as ton bouclier, ta pelle, ta chandelle, tes bombes. Il n'y a pas d'échelle, par exemple. Il y a eu des flèches. T'es un archer, par exemple. Tu tires des flèches, donc tu level up. Donc, c'est très cool, pour vrai. Excusez. Cependant, je trouve qu'on se perd un peu. Plusieurs fois, j'étais comme, fuck, où est-ce que je vais? J'ai réussi à quand même trouver mon chemin partout. Sauf là, il manque plein de diamants. Il manque des clés. Mais aussi que j'ai pas trouvé ça, tu sais. C'est ça qui me fâche un peu, là. Je suis comme, ah... Ça commence à faire beaucoup de backtracking là, pour aller voir à quelle place j'ai pas mis les pieds. Là. Puis là, je sens qu'il faut que je le mette un petit peu sur pause parce que je suis rendu au boss de fin, mais il me manque plein d'affaires. Puis si je tue le boss de fin, je vais être comme, bon, ben c'est terminé, fuck it, je passe à autre chose. Parce que j'ai les deux Ori qui m'attendent. Ori! Excusez, j'ai bien de salive. J'ai les deux Ori qui m'attendent. Puis là, je sais que si je commence Ori, je vais pas retourner à Elliot Quest parce que cette étape-là va être terminée. Donc, la seule fois que je suis allé sur Internet pour trouver quelque chose, c'est la maudite pelle. Que je sais pas pourquoi, je l'avais pas trouvé avant. Je n'étais pas allé dans ce racoin-là de la map. Bref, je l'ai. Et puis maintenant, je vais pouvoir aller pelleter bien des places que je suis passé, que je voyais que... bon. Donc, on va voir. Mais là, j'ai décidé de prendre mon temps encore plus avec ce jeu-là. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux que je pensais. Mais c'est le fun, pour vrai. C'est plaisant à jouer. Donc, très bon jeu. C'est un jeu au look très moins que 8 bits, t'sais, c'est des petits carrés, c'est Nicalis, là, t'sais, souvent ils ont des jeux qui ressemblent à ça, là. Donc c'est très très très pixel, là. Mais ça fonctionne, le gameplay est tight et puis c'est bien plaisant. Donc on a chez RetroMTL, on a recommandé pour une troisième fois, donc allez voir du gameplay, si ça vous parle, achetez ça, je vais terminer l'année avec ça, moi personnellement. Et puis, ça va être ça. J'ai recommencé aussi à jouer beaucoup à mon arcade Kix. Mon plus jeune, est comme il a fait un beau score de 30 000, là, vraiment excellent. Il a pu mettre son nom dans les crédits, donc ça c'est nice. Et puis, ouais, je me suis remis à Kix. Et puis, quoi de plus plaisant que jouer à son arcade dans son sous-sol, béton chauffé, chaleureux dans le coin avec des belles cassettes partout. Moi, c'est ça le paradis pour moi. Et le paradis pour moi, c'est de savoir que vous écoutez ces épisodes-là. Et je vous remercie. J'essaie vraiment d'en sortir un par semaine et demie. Je fais mon possible. Je sais que je parle beaucoup de mes projets, mais puis que je parle pas vraiment beaucoup d'actualité. C'est parce que je ne suis pas tant l'actualité. Je vois des choses qui se passent. J'aurais pu parler de Paprium aujourd'hui et que finalement, wouh, c'est sorti cette affaire-là. L'Atari VCS est maintenant entre les commence à arriver chez les backers et tout. Mais je vois ces choses-là, je m'intéresse à ces choses-là, mais je fais pas vraiment de je survole ces affaires-là dans l'autobus, tu sais, fait que je dépe pas là-dedans tant que ça. J'aimerais ça voir les gars du chat à cassette ou quelque chose. Moi, j'ai comme besoin de quelqu'un qui sait tout ça, puis moi, je veux en jaser. Je veux juste pas faire la job de recherche, comme je suis trop lâche. Mais c'est ça. C'est une autre sorte de podcast, hein, dans le fond, de show de gaming auquel je parle, dans lequel je parle beaucoup de projets, que je parle pas nécessairement toujours de gaming. Mais ben, je pense que c'est apprécié. Je pense que c'est ce qui fait un peu un show différent. Donc, puis ça me fait bien plaisir quand il y a des gens qui me disent que, genre, c'est rendu que leur conjointe écoute ce show-là avec eux parce que je parle d'autres choses qui relate, comme les enfants, ou la gestion de si, la vie en général. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Tu sais, comme, moi, des bonnes discussions sur la vie, sur la suradministration, tabarnak, et puis ce genre d'affaires-là. Mettons, dans un party, moi, je peux parler de ça avec le monde pendant des heures. C'est mes sujets préférés. Alors, c'est pour ça que j'en parle souvent ici. Donc, merci encore une fois à tous d'écouter ceci. et puis de vous intéresser à mes projets. C'est très apprécié. Et puis, je vais continuer ça autant que je peux. Donc, merci à mes Patreons, merci à tous. Et puis, continuez de suivre ma page Facebook, bien sûr. Et puis, peut-être je vais enregistrer un autre épisode entre Noël et Jour de l'An. Je vais sûrement avoir le temps quelque part. Donc, on verra. Entre-temps, je vous salue et vous remercie. Bye tout le monde.